L'After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. After Job avec Francky l'après-midi. After Job avec Francky l'après-midi. On vous rappelle pas des souvenirs, 16h17, on est en direct, c'est Francky dans la radio. Heureux d'être avec vous jusqu'à 18h, hein, ouais, le live. After Job avec Francky l'après-midi. Heureux d'être là et puis pas mal d'invités aujourd'hui dans les studios. Ouais, on aura le groupe Missing. Alors on va passer par deux bien sûr dans les studios, hein, comme l'exige la loi de la radio. Deux par studio. Le groupe mythique orléanais sont arrivés dans les studios. Ils vont nous faire quelques extraits en live et puis on écoutera des nouvelles mélodies avec eux. Je peux vous dire, ça va sonner très rock, hein. Si vous êtes du côté d'Orléans, Olivet, Saint-Jean-de-Vray, eh bien welcome, hein, installez-vous, garez-vous sur le côté si vous êtes en bagnole, ou alors le temps que vous arriviez chez vous et de vous connecter sur le net 96.2 FM dans la voiture et puis sur le net Arc-en-Ciel Orléans, vous allez voir, ça va envoyer le meilleur des souvenirs avec Louis Bertignac et les visiteurs. Et puis Missing qui se prépare, ça sera dans moins de 12 minutes. Le meilleur des souvenirs en direct à 16h18. Ex-membre du groupe Téléphone, Louis Bertignac et les visiteurs, voici ces idées-là. Et joyeux Noël la famille. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Des heures passées devant l'avenir de ma télé. Des nuits sans dormir à te demander. Radio Arc-en-Ciel en direct avec Louis Bertignac, ex-membre du groupe Téléphone, c'est ce que je vous disais. Ah oui, là, ça vous rappelle des bons moments. On est heureux de vous retrouver jusqu'à 18h. C'est Francky dans la radio, puis la météo qui arrive pour demain. Quel temps va-t-il faire? Eh bien, mauvaise nouvelle. La météo.

After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Slipping in more and more ways. That simple world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Fort en anglais alors, My Everything, Barry White, et il nous manque, hein, ça fait, je crois que ça fait 10 ans, hein. Ah la vache, et puis ils sont dans les studios, on va les accueillir, on va les présenter, c'est Missing en live sur Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité, les invités du jour, et j'ouvre tous les micros, il y a un petit peu de monde dans les studios, on en a fait des petits groupes, hein, séparés, pour pas que, par rapport au Covid, hein, on respecte aussi les lois, les règles, on essaye de faire le mieux possible. On a été privé de radio pendant quelques mois, on est content de retrouver enfin des personnes humaines dans les studios de la radio. Missing, bonjour, on commence avec qui ? Salut ! Salut, tu t'appelles comment ? Moi je m'appelle David, je suis le batteur. T'es le batteur, c'est ça ? Voilà. Voilà, bah, heureux de te retrouver sur Radar Arc-en-Ciel. Je crois que c'est la première fois que tu viens, non? Ou la deuxième? Exact, non, première fois pour moi. Et ben, welcome sur Radar Arc-en-Ciel. Super, merci. Voilà, t'as vu la déco de Noël, ça claque ici. Ouais, effectivement. Je disais, en antenne, il y en a tellement que je vois même plus les gens. Non, mais ça, il faut pas semblant. La présidente, on l'a saluée au Portugal d'ailleurs. On va accueillir aussi cette charmante jeune femme au milieu. Salut. T'as vu, hein, des fois, il y a des gens qui sont bien dans la vie. Comment tu vas bien? Présente-toi. Ça va bien, c'est Mamie Rock. Mamie Rock. Ouais. Ça me rappelle sur Skyrock à l'époque, comment elle s'appelait la dame là, qui faisait Skyrock, je sais plus, il y avait une grande animatrice qui était. C'était moi. Ouais, c'était toi. Mais elle est décédée malheureusement. Comment tu t'appelles? Explique-nous. Moi je m'appelle Frédéric Gentil. Ça va, ton papa il est dans la salle? Ouais, il est dans la salle. Avec ta maman aussi? Non, il est avec la gardienne. Ah mince, il la trompe déjà, oh, le pauvre. On va t'accueillir Fred sur l'arc-en-ciel Missing. Merci. Et puis on va accueillir aussi le jeune homme avec les lunettes, bonjour. Salut Victor. Victor, comment tu vas? Bien. Ça va et toi? Ça va, ouais. Tu fais quoi dans le groupe? Balayeur. Balayeur, guitariste, et je déménage le meuble aussi. Ah bah ça arrive, tu sais, il faut plusieurs métiers, hein. Moi à côté aussi, je suis déménageur, hein, ouais, mon temps perdu. Puis il faut bien bosser avec le Covid, hein, parce que les DJ c'est mort, hein, comme les animateurs radio. Ouais. On a la seule chance de survivre nous en radio, parce que on est encore là, grâce à vous d'ailleurs qui nous écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Mais Zing, alors qui veut raconter un peu l'histoire du groupe pour démarrer? Toi Fred, si tu veux. Ouais, alors l'histoire du groupe remonte à 2017. Il était une fois le groupe Missing, nous étions quatre. Il n'y a plus personne qui reste hormis moi aujourd'hui. Ouais. Et on a commencé en fin 2017, notamment pour un événement que tu as organisé. Ouais, on avait trois titres. Ouais. J'avais le trou du monde. C'était pour les gamins. Ouais, c'était pour. D'ailleurs, je voulais encore vous remercier d'être venu ce jour-là parce que c'était gratos. Vous êtes venu gratos. Ouais. Et puis on a fait ça le comble, hein. Je m'en rappelle. Hein. Ça le comble, ouais. Quel concert. Et donc c'était notre premier événement, voilà. Ouais. Et puis l'eau est passée sous les ponts. On a changé un petit peu de ligne. Le Covid est passé. Ah ouais, le Covid, ouais. 2020. Je vais en remettre un peu, mais. Et puis voilà, donc on est cinq aujourd'hui. Ouais. Et, on fait tout, bien sûr, non pas en présentiel, mais tout par vidéo interposée, puisqu'on peut pas, répéter ni quoi que ce soit. Bah, facile. Voilà. Donc, des tubes connus, moins connus, mais tous missingisés, c'est-à-dire à notre sauce. À votre sauce? Voilà. Alors, c'est rock, c'est hard rock? Ah, c'est rock, ça se dirige un peu punk, hein, quand même, hein, maintenant. Ça va loin, quoi. Mais punk gentillé, attention. Oui, gentillé. Il y a Fabien Dumas, vous connaissez, il nous écoute. Oui. Ouais, on big up à Fabien. Salut Fabien. On le salue au passage, mon Fabien qui a fait beaucoup de radio avec moi ici, sur Arc-en-Ciel. Il est maintenant parti sur une web radio, puis il s'amuse bien d'ailleurs. Alors, batteur, le batteur, il est là. Attends, je vois un petit garante de Noël, ils ont foutu partout. T'es dans le groupe depuis combien de temps? Moi, ça fait un peu plus d'un an, septembre 2019. Ouais. J'avais un peu laissé la batterie de côté, avec la famille, tout ça. Mmh. Et puis je me suis remis dessus, bien à fond. Et puis début septembre l'année dernière, une opportunité, Missing se présente. D'accord. Nickel. Et la batterie, c'est quoi? Ça vient de comment? Quand t'étais petit, t'as commandé ça à Noël et puis du coup non même pas. Par hasard. J'avais des bouts de bois, je tapais sur mon canapé. Ouais. Donc ça veut pas sur tes frères et sœurs, ça va. Et je crois que c'est le petit nouveau qui vient d'arriver là avec les lunettes, non? Un petit, grand, moi je dirais. Il est grand, mais c'est lui qui vient. Ouais, Victor. J'ai vu les quelques photos sur Facebook, c'est pour ça. Nouveau dans le groupe depuis quelques semaines, c'est ça? Quelques semaines, officiellement une heure, puisque c'est la première fois qu'on se voit. Ah ouais, ouais. Première radio alors avec le groupe alors. Carrément. Ouais, ça me fait plaisir, Victor. Mais ouais, sinon, à peu près un mois à peu près. Et on a pas mal visioté ensemble et fait de la musique. Ouais. C'était cool, ouais. Alors, j'ai vu, vous aviez posté une annonce, entre guillemets, sur Facebook, vous cherchiez un jeune homme ou une jeune fille, non? C'était un deux. Et puis, comment t'as trouvé l'annonce ou comment t'as réussi à les contacter, à te dire tiens moi j'ai envie de faire partie de cette belle aventure? Malheureusement à cause du Covid on peut pas jouer sur scène, mais bon, une belle aventure qui va démarrer quand même. Mais carrément, en gros ça a commencé par j'ai arrêté mon emploi juste après le... Tu faisais quoi? Gérant d'un bar à jeux de société. D'accord. Ça me prenait beaucoup de temps et j'ai monté une boîte de production à côté, donc j'ai gagné du temps que je pouvais consacrer à la musique, du coup, qui est une passion que j'ai depuis toujours. D'accord. Et donc j'ai cherché sur internet un peu les groupes qui se faisaient sur Orléans, beaucoup de choses. Parce qu'il correspond aussi peut-être, non? Ouais, carrément. Ouais. Si on t'avait dit on fait du tango et des valses, je sais pas si tu serais venu. Bah c'est ça, c'est qu'en fait il y avait. Parce qu'avant il y avait Michel, là, vous avez vu l'ancien là qui est parti de la radio là, c'est lui, c'est l'ancêtre de la radio, hein. Je crois qu'il est né ici. Hein. Hein, sérieux. Il repart, il part à 16h, à 16h30 il est dans sa bagnole en bas, hein. Il y a 20 mètres. Hein. Ouais, je le salue Mimich au passage. Donc une belle aventure. Vous êtes combien en cours le groupe, c'est combien de membres? Cinq. Cinq. Comme les Jackson. Cinq sur scène, mais à côté on a quand même Sid, notre photographe. Ah, il est là, bah il fait des photos de partout là. Voilà. On va être sur Paris Match ou pas? Moi je veux des gros magazines, hein, Pif Gadget, tout ça. Il y a Seb, le Roddy, comme on dit, hein, celui qui nous aide pour le matos. Ouais, le Rod, les Rod, hein, ils poussent les fly. Ah ouais, ils poussent les fly. Enfin, j'étais Rod, alors moi quand j'étais gamin, j'étais Rod. Hein. Bah tu devrais revenir. Ouais. Non, je suis pas. On a besoin de pousseurs de caisse. Je vous raconte une histoire vite fait, non mais c'est pas des conneries. Avec à côté il y a Audio France location, c'est un pote à moi Laurent. J'étais rôde pour lui, mais j'étais gamin et je suis parti faire le tour de Kaoma, la Lambada. Vous vous rappelez de ça, la Lambada? Oui. Ouais, et je poussais les fly caisses, moi. Alors je voyais les belles gonzesses à l'époque. Hein. On a fait le tour de la planète, nous. Mais nous on n'a pas de belles gonzesses aussi. Bon, si t'es là, toi, ça va. Tu sauves la bise quand même. Sinon les autres ils vont mettre des perruques. Hein. Bon, sinon pour continuer dans les dans les personnes, il y a quand même deux personnes qui nous sont chères aussi. C'est Vincent et puis Fred. Ouais. C'est deux personnes qui nous aident quand il manque un instrument. Ah oui, vous en En basse et en guitare. Ouais. En tout cas, une belle aventure, malheureusement. Très, très bien. Ouais. Le Covid, alors comment le groupe aujourd'hui le vit, le groupe Missing? Mal. Comme, après, c'est une question un peu con, je vais dire, mais bon. Tiens, je salue, il y a Mario de la Radio Latina Paris qui nous écoute. Et, il vient de me faire coucou, bonne année à tous. Voilà, Mario Latina Paris, un bon ami à moi. Aurélie qui est là, qui vous fait coucou aussi. Et alors, comment on vit c'est pas facile. C'est que par visio. Que par visio. Ouais. Vous projetez comment dans l'avenir aujourd'hui? On reste optimiste. Si on arrive à se projeter, parce que les restos fermés, les bars restés, bon, les bars. Discothèques aussi. Bon, les boîtes, moi je connais ça depuis le 14 mars, on est fermé, on n'a jamais ouvert. Donc, comme ça, c'est vite réglé. C'est venu après la fermeture, entre guillemets, des groupes? C'est venu quand? Après les restos, avant? Je me rappelle plus. C'est venu en mars, et puis après, on a été redéconfiné en juin, je crois. Ouais. Donc là, on a pu faire 2-3 répètes, puis paf, c'est revenu. Bah, ça fout les boules ou pas? On a pu faire deux dates. On a fait deux dates quand même. Ouais, c'est mes potes aussi de la Jarry qui devaient venir à la radio. Connaissez les Olivet, ils devaient venir ici, ils devaient faire un truc à Olivet, la nouvelle salle. Et du coup, ils sont pas venus. J'ouvre la porte en même temps parce que moi je suis tout ici, hein, je fais sécurité, je fais le ménage, j'ai tout qui se casse la gueule dans les studios, mais c'est du live, hein, c'est normal. Hein. J'aime bien faire de live. Donc non, c'est que du visio, que de la visio. Ouais. Et puis voilà, on s'entend très bien, on s'écoute beaucoup, donc ça marche bien. Et justement, on va écouter un petit titre juste avant, un bon souvenir funk. Alors bon, je sais pas si c'est votre tasse de thé, la funk music. Ça c'est à l'ancienne, hein, les années 80, charade, sous la boule à facettes. Bon, en ce moment c'est compliqué pour les boîtes de nuit. Mais voici Gimme the Funk et puis Missing, on va écouter un premier titre dans quelques minutes. Salut la famille. You see where to give me the phone? The whole phone, ain't nothing but the phone. années 80, forcément, ça rappelle des bons souvenirs ou pas. Hein. Les boules à facettes se sont arrêtées depuis le 14 mars pour les discothèques. Une grande pensée à tous mes collègues à l'ancienne. Et puis ils sont là et on a fait des relais hein, parce qu'ils sont plusieurs. Missing dans les cieux de la radio, on va les accueillir tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et on fait des relais hein, comme dans le 100 mètres, parce qu'ils sont 5-6, et puis bah du coup, bah, 2 par 2, par 3, hein, comme ça on va présenter la suite du groupe. Donc Fred, bah, t'es là, toujours là. Oui. Fred, c'est quoi, c'est la leader, la leadeuse? Comment on dit? La chanteuse, voilà, très bien, la chanteuse. Et puis deux petits nouveaux qui viennent d'arriver, on va commencer, qui veut se présenter, le monsieur avec les lunettes? Tiens, on va commencer avec lui. David. Salut David, comment tu vas bien? Ça va super bien, et toi? Ouais, bah ça va, en pleine forme, moi je suis partout, t'as vu, je suis un peu le troubillon de la radio. Cool. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel, 16h47, on est bien en direct hein, sur toute la ville d'Orléans, vous êtes nombreux à nous écouter. David, tu fais quoi dans le groupe? À part la guitare, je fais souvent le con. Mais ouais, bah ça c'est bien aussi. Ouais. Guitare, ouais. On s'était vu au concert, je crois, David. Non, ouais. Il était pas là? Non, il était pas là. Ah non, c'est il était pas, moi. Pas là. Non, c'était pas lui. C'est un autre. Non, il y avait un très grand aussi, non? Oui, Jack. Ah ouais, Jack. Bah, je t'ai confondu avec Jack Daniel. Excuse-moi. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc David, ça fait combien de temps que tu es dans le groupe? 3 ans, je crois. 3 ans, ouais. Mmh. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller rejoindre le rock, peut-être, ou alors t'as été attiré par Fred. Ouais, j'étais attiré par Fred. Elle m'a emmené sur scène et tout s'est bien passé. Je suis resté depuis. Attends, je vais donner juste une anecdote. Si vous voulez des dossiers, vous pouvez les balancer. Hein. Ouais, j'ai donné un dossier, mais preneurs, véridique. Le monsieur à côté de moi, donc il s'appelle David là. Lequel? On surnomme Dave. Ouais. C'est mon ancien patron. Ah merde. Enfin, c'est toujours mon patron là. Hein. Ah d'accord. Oui, sauf que moi je fais ce que je veux chez Missing. Ah ouais. Voilà. Donc là t'as pas de bol là. Mais c'est mon patron. C'est elle qui prend. Non les non, c'est cool, on inverse les rôles. Ouais. C'est bien, c'est bien. Tu vas avoir une prime, Fred. Salut le patron. Salut les boîtes. Hein. À ta droite, Fred, on va l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Bip. Alors, Bip, bah, il a le masque, lui, c'est pas grave, c'est pour ça qu'on l'entend de loin. Oui, pour quand on parle dans le micro, tu peux l'enlever, après on va. Je vais essayer de pas cracher. Non, non, après on va désinfecter à l'eau de Javel, t'inquiète pas. Donc, tu fais quoi dans le groupe? Tu joues quoi? Le plus important, j'allais dire, le bassiste. Ah, le bassiste, ouais, c'est ça qu'on n'avait pas branché tout à l'heure, la basse, ouais. Parce qu'en fait, je sais pas où tout se branche, ils ont mis des trucs partout, mais je sais pas comment ça se branche. Je sais quand on fait des lives, on les fait comme ça en live avec les micros, mais là, j'arrive pas à trouver les bons micros. Oui, mais alors, je suis rassuré, d'habitude, on me donne un instrument, on m'enferme dans un couloir et on dit, amuse-toi dans ton coin. Et... Ah, bah ça va alors, tu vas pas nous emmerder alors. Non, non, David, il a encore dit, tu seras pas branché, mais tu peux jouer si tu veux. Et bah voilà, tu vas pouvoir jouer. Mon ami, en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Missing, un petit mot. Si tu avais un mot aujourd'hui à faire passer, ça serait quoi, Fred? Restez simple et soyez heureux, c'est tout. Ouais. Pourquoi il y en a qui sont malheureux, tu crois? La situation est pas simple, donc je compatis pour notamment les personnes qui sont professionnelles de la culture. Ouais, d'accord. On va s'écouter un titre, si vous voulez bien, en direct sur l'arc-en-ciel, pour voir un peu ce que ça donne. Missing s'appelle Be Yourself, si je me trompe pas. Est-ce que c'est ça, mon ami? C'est ça. Voilà, normalement, ça devrait démarrer, hein, s'il n'y a pas de problème technique. Be Yourself, en direct sur l'arc-en-ciel. Voici Missing, et puis on retrouve juste après, attention, brancher les guitares, comme disait à l'époque le brio, je crois. Hein. C'est ça. Ça va sonner rock juste après, bougez pas, on est en direct, 16h50. Et vous pouvez chanter hein, si vous voulez. Hein. Voilà. Ouais. Hey, c'est les reprises de qui? Parce qu'il y a l'équipe de bande. Audioslave. D'accord, ok, bah comme ça tout le monde est au courant, la famille. En tout cas, ça me fait plaisir. Be Yourself, pourquoi ce titre aujourd'hui? Pourquoi pas un autre? Question con, hein, peut-être. Ouais. Celui-là, parce que comme disait Fred tout à l'heure, c'est important qu'on soit vrai en ce moment. Ouais. Allez, on a tous besoin les uns des autres et Be Yourself, c'est, ouais, c'est rester vous-même, quoi. C'est vrai qu'on a vraiment besoin des autres, hein, les uns des autres en ce moment. Ça, c'est clair. Le groupe, s'il y avait un concert à faire aujourd'hui, ce serait dans quelle salle mythique? Si c'était dans le coin ou à Paris ou à Londres, à New York. Il n'y a pas de salle mythique. Il y a pas une salle qui vous ferait rêver un jour peut-être. Je sais pas. Hein, ouais, l'Accor Hotel Arena, ouais, Bercy, c'est bien. Hein. Ouais, bah, on y va demain. Vous me prenez. Hein, on te prend, on redit. Au pire, si c'est pas dispo, le Royal Alberto là, à Londres. Ouais, ouais, au cas où. Voilà. Pour les gens qui découvrent justement Missing sur scène, on va s'écouter un nouveau titre qui sonne un peu plus rock, hard rock, je sais pas comment on dit. C'est Inside of You, c'est ça? J'ai oublié un titre, un mot peut-être. Ah, Osbastank. C'est ce nouveau, c'est ce titre-là, Fred? Celui-ci, on voulait le jouer en live. Tu veux jouer en live? Eh ben, pas de problème, on le garde en live. Mets un peu de rock avec Rebel Yell, tu vois. Alors celui-là, alors il va démarrer tout de suite. On se l'écoute, c'est Missing sur scène. Normalement, ça donne ça. Écoutez, vous allez voir. Vous êtes prêts, les amis, à prendre ça en live? Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Ouais! Eh bien, juste après, c'est parti. Okay. lose you. I dried your tears, oh baby, a million times for you. I tell my soul for you, babe, from morning to burn with you. Elle est bien, on vous aura prévenu les amis. C'est vrai que ça sonne rock et très rock même, et ça fait du bien après Noël comme ça pour digérer, Fred, hein, c'est pas mal ça. Ouais. Attends, je t'ouvre le micro, excuse-moi. Il y a encore un repas qui arrive là aussi. Ah ouais, ben, c'est après la suite. Alors là, on a le groupe qui est formé, qui est entier dans les studios. On les a séparés, on les a mis aux quatre coins de la pièce. Ouais. On a mis un mètre entre chaque personne, bien sûr. On respecte les distanciations. Voilà. Et puis on va se faire un titre en live. Alors là, c'est exceptionnel parce qu'on n'a rien prévu. Et ça c'est la réalité. Hein. On n'a rien répété. On va brancher les micros. Je vais essayer de gérer ça au mieux. Le titre s'appelle, attends, faut que je le retrouve, c'est Inside of Bastank, si je le trouve pas. C'est ça. C'est Inside c'est, of You. Ouais. C'est la reprise de qui ça? Oubastank. Voilà. Ah oui, Oubastank, ouais, de Reason. Ils avaient chanté aussi à l'époque. Reason. Ah ouais, bah attends, moi je suis branché en musique. Eh bien, vous me dites quand vous êtes prêts, les amis. J'envoie le son ou alors vous jouez en live? Allez, vas-y, on joue en live. Eh bien, j'envoie pas de son alors, on joue en live comme ça. J'envoie du son avec ou pas? C'est quoi que t'appelles du son? Bah le son que vous m'avez filé, non? Je le file pas, non? Ah non, pas pour l'instant, non, on va faire live. En live, eh ben c'est parti les amis. Moi ce que je vous propose c'est de couper ça. On branche les guitares, on branche les micros. Et puis on va dire 3, 2, 1 en direct. Voici Missing dans les studios de la radio Arc-en-Ciel. C'est exclusif et c'est déjà à la radio. On y va les amis, quand vous voulez. On est prêt, je suis chaud. 3, 2, 1. It seems so obvious that something happens us. I swear I'll feel it from the crowd, the room. So can I ask you this, not to be for a miss, but I think I can myself, I never know. Oh, what do I do to get inside of you, to get inside of you? I love the way you move. Well, I'm inside of you. Well, I'm inside of you. Just ask and I will do anything you want me to. There is no limit how far we go. And I'm sure I can pretend to be a gentleman. But before I begin, I just gotta know. I just gotta know. Inside of you, to get inside of you, 'cause I love the way you move. Well, I'm inside of you. Well, I'm inside of you. For no Marion, bravo! Eh, je suis le seul public, donc j'applaudis. En tout cas, franchement, ceux qui veulent remettre des casques, remettez des casques, les amis, si vous voulez parler. Fred, bah super, hein, t'as vu, on a géré quand même avec les micros. Mais tu sais, il faut pas se prendre la tête. Bah non. Vivre l'instant comme on a envie de vivre. Reprenez des casques, Arnaud, si tu veux prendre un casque. Là, ceux qui veulent parler dans les micros, allez-y, n'hésitez pas, asseyez-vous tranquille. En tout cas, belle reprise. Je connais ce groupe, mais avec The Reason, un autre titre qui est plus lent, plus calme, on va dire. Ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui à la radio. Ouais, merci. La suite, concrètement, aujourd'hui, vous comptez sur quoi? On va parler des aides un peu vite fait, si vous voulez bien, si ça fâche pas, parce que des fois, ça fâche les aides. Il y a des aides qui vous sont données pour les artistes, justement, comme vous. Nous, on n'est pas des professionnels, donc c'est notre loisir avant tout. Donc, on n'a pas d'aide. Ouais, merde. Parce qu'on n'a pas à avoir d'aide, dans tous les cas. On préfère les laisser aux personnes qui en font leur vie et leur métier. Ouais, d'accord. Vous bossez à côté? On bosse tous à côté. Heureusement d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y en a qui vivent que de ça, les artistes. C'est ça. Donc autant leur laisser à eux surtout. Ils galèrent un peu. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui veulent se monter dans les groupes, comme le vôtre, par exemple, groupe rock, hard rock, punk, un peu. Première chose, bien s'entendre. Ouais, ah oui, est-ce que c'est pas facile? Il y a eu beaucoup de séparations dans votre groupe depuis le début? Il y a eu quelques séparations, mais c'est plus l'envie de voguer sur d'autres choses, donc voilà, c'est la vie d'un groupe, hein. Ouais. Pas de choses fondamentalement négatives dans tous les cas, mais oui, un groupe, sa vie, mais la première chose, enfin je pense, après je laisserai la parole à Victor, c'est déjà le climat et l'ambiance qu'on peut générer dans un groupe. Bah justement, voilà. Victor qui vient d'arriver dans le groupe, alors, j'en pense quoi, Victor? À peu près la même chose. L'ambiance, elle est bonne pour l'instant, en bonne, une heure, là, tu m'as dit ça fait une heure. Bah, l'ambiance, c'est bonne, on rigole bien, on se fait des blagues et tout, c'est cool. Ah, c'est bien, moi. On propose des cafés et tout. Bah, t'as vu, nous, on paye le café ici. Ah, mais grave. Ah, c'est une radio internationale, mon ami. Hein. Non, ça fait plaisir. Victor, par exemple, si un jour on vous dit, tiens, choisissez un groupe de rêve, de hard rock, de rock ou autre, hein, pour jouer sur scène avec eux, faire la première partie, ça serait qui? Red Hot. Red Hot Chili Peppers, ouais, c'est ça? Ouais, carrément. Ou Wolfpack, mais je connais pas. Moi, je connais AC/DC, Red Hot, ouais, je connais. Ouais, Red Hot. Je connais pas trop dans le milieu. C'est des légendes, donc, ouais, carrément. Ouais, je connais. D'accord, ok. Et toi, Fred? Moi, je m'en fous. Tu t'en fous? Moi, j'ai aucune mémoire. J'ai des fondamentaux, mais j'ai. Asdes, non, peut-être? Non, j'en peux plus. C'est trop commercial. Non, je suis désolé, hein. Il y en a qui font très bien, il y a un très bon coup. Ouais, mais ça devient trop commercial. Panel Rocking qui le font très bien sur les mains. Moi, je suis pas doué pour ça et je sais pas faire, donc. Voilà, c'est essentiellement des titres qu'on s'est concerté. Ouais. On s'est dit ça serait bien, pas bien, et voilà, c'est des titres en commun. Où on a chacun notre patte. Tiens, je vais laisser David en parler. Ouais, je voulais en parler. J'allais lui donner la parole. T'inquiète pas, le bouquin, je l'ai vu. Hein, ça serait qui, toi, si tu devais jouer avec quelqu'un, un groupe ou sur scène? Avec quelqu'un, Britney Spears. Ah ouais, non, c'est vrai. Ouais, bah je suis batteur, moi tu sais, je l'avais. Ah ouais. je m'attendais pas à cette réponse. Qu'elle allait sortir un truc de ouf, toi. C'est comme si me disait, j'ai envie de jouer avec Kenji Girac, quoi. Girac, pardon. Ouais. Tu vois. Non, Britney, ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est un rêve de gosse, non? Non, un peu plus tard. Ouais. Vous avez prévu quoi pour le 31? Bon, on sait qu'il y a pas de fête, hein, malheureusement. Chacun chez soi, ou alors vous faites un petit truc entre vous, bah à 6 par exemple, non? C'est pas possible. Non, parce que il y a les compagne après, donc ça fait tout de suite. Ah ouais, ouais, ça vite, ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Non, on va faire au mieux, quoi. On va attendre l'année prochaine. Ouais. Est-ce que vous sentez l'avenir proche qui a la fin du Covid, entre guillemets, peut-être pas la fin, par rapport au vaccin, vous réagissez comment? Est-ce que vous pensez que tout le monde va se faire vacciner, on pourra faire des concerts? Est-ce que ça sera pas ça un peu le truc, on fait un concert que si vous êtes vacciné, que s'il y a ça? Est-ce que vous en pensez quoi, à l'issue du vaccin, par exemple? Bon, qui arrivait comme ça au bout de quelques mois. Voilà, le vaccin arrive un peu vite, donc moi j'ai pas vraiment d'idée. Bah non. Mais si demain on vous dit, allez-y, faites des lives, okay, pas de problème, et faut que tout le monde le groupe soit vacciné, et puis que les gens qui viennent aussi soient vaccinés. On s'en fout, nous. Ouais, vous faites vacciner, vous. Ouais. on va muter aussi, nous. Ouais, on va muter, en tout cas. Bah, on a écouté tous les titres, je crois, que tu m'as filé, les trois, hein, c'est ça, Fred? Oui, oui, oui, mais tu peux remettre le dernier si tu veux. Hein. C'était lequel, le dernier? Bah, celui qu'on a fait en live. Et ben, on va se le réécouter, c'est, j'aime bien celui-là au baston, quoi. On se l'écoute, et puis on se retrouve juste derrière pour le final. Ok, d'accord. Et là, voici en direct sur Radio Conciel. Putain, on se prend avec Léon Zitrone à l'époque. Eh oui, cheval course dans la grande bleue. Kazakh jaune. Kazakh jaune, Kazakh bleu. C'est Missing en direct à la radio. radio. Les 11 citrons, c'est parti, Guilux, on y va. Bon, bah, normalement, ça devrait partir. À tout de suite, les amis, on se prend un café. C'est la pause sur Radio Arc-en-Ciel. Enfin, la pause pour nous, hein, pas pour vous, le côté de la radio. Voici, merci. La reprise. Obvious, there's something up with us. I swear I fear if I'm across the room. So can I ask you this? Not to be forward, but I think I kill myself. I never know. What do I have to do to get inside of you? I will do, I think you want me to. There is no limit how far I will go. And I'm sure I can pretend to be a gentleman. But before I begin, just gotta know, just gotta know, just gotta know. What do I have to do to get inside of you? Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Eh ben, c'est maintenant et jamais, à tout jamais. Messing était nos invités aujourd'hui. Alors, c'était énorme parce que on a quand même fait un live. Ils sont tous dans les studios. On les a séparés d'un mètre. Hein. J'ai mesuré. Hein. On est à 1,01 m. Voilà, on respecte les distanciations. On a les masques, on a tout. On va pouvoir faire la compagnie créole. Tout à l'heure, on a les sarbacanes. On va fêter le nouvel an ici, je crois bien. En tout cas, bah, je vais vous prendre un par un. Enfin, au micro, hein. Fred, je commence avec toi si tu veux bien. Ça te dérange pas. Fred, bah, merci d'être venu sur Radio Arc-en-Ciel. C'est la première radio de l'année, enfin de l'année 2020, on va dire. Alors on n'est pas dans les bonnes circonstances, moi j'aurais préféré un live, tu vois, dehors et tout avec vous, ça aurait été super. Mais on en fera, t'inquiète. Ouais, bah, on en fera, dès que vous êtes prêts, vous me dites, hein, bah, moi je suis open à tout. Hein. Merci Fred d'être venu, d'avoir accepté notre invitation en direct à la radio. Juste dire qu'on avait fait un quiz 24, donc 24 questions, et que les deux personnes qui ont gagné ce quiz sont énoncé ce soir sur notre page Facebook à 19h. Donc je vous rappelle la page Facebook, vous tapez sur Facebook, bah Missing, M-I-S-S-I-N-G point Loiret. Point Loiret, voilà, c'est un logo noir et blanc, vous pouvez pas le louper, il y a un masque dessus, je crois même. Bah allez liker la page, allez voir les infos, allez voir ce qu'ils font, ça fait plaisir. Qui veut prendre la parole? J'ai oublié mon micro, il est Victor, il est caché. Et lui, il s'est mis dans le coin, comme les gamins. Changez les casques, quoi, mais vas-y, fais. Tiens, vas-y, Victor, tu veux parler? Ah, vas-y, dis-moi. Vas-y, alors merci d'être venu, Victor. Merci à toi. En vrai, c'est ouf, mec, c'est trop stylé. En fait, vous avez vu, il n'y a rien de préparé, hein, et je le jure sur la vie de ma fille. Tout est en live, attention. Hein. Victor, bah merci, bonne continuation dans le groupe. Hein. Après, t'arrives pas forcément dans les meilleurs moments, hein, mais bon. Mais en fait, ça fera une histoire à raconter. Tu vois, c'est un début tellement particulier qu'en fait, ça peut qu'annoncer du. Ça va repartir dans 15 ans, tu pourras dire ça a été énorme. Merci. En tout cas, merci Victor, puis bonne chance pour tout. Merci. Voilà. En face de moi, c'est ton prénom, parce que je m'en rappelle pas. Deep. Salut Deep. Ça va Deep? Alors, 3 Deep à emporter, 4 chips. Ouais, on fait des blagues aussi. Hey, ça détend les auditeurs de l'autre côté de la radio. Deep, merci d'être passé. Bah, bonne chance pour le groupe. C'est quoi l'avenir là, pour toi ce soir? Tu fais quoi ce soir? L'avenir pour moi ce soir, je retourne au travail. Je suis parti un peu rapidement et j'ai envie que tout se passe bien. Ouais, mais tu as dit, attends, moi j'ai une émission de radio avec Francky. Tu n'en as pas le patron. Hein. Et moi, je crois que j'ai la chance de pas avoir parlé de Britney Spears. Ma femme écoute. Bah, t'inquiète pas, on va en parler, mon ami. David, tu veux raconter quelque chose? Bon, je crois que le message est passé. J'ai compris. David, le message n'est pas passé. Je vais le passer. Alors, en antenne, pendant qu'on écoutait le titre de Bastank, bah, il y a la femme de David qui lui envoie un message. Elle lui dit, tu rentres à la baraque. C'est fini l'histoire avec Britney Spears. Voilà. C'est ça ou pas, David? Bah, je sais pas si je rentre du coup. ta femme, elle est terre à terre quand même. Attends, Britney Spears quand même. Ça va bien se passer. C'est pas le top modèle non plus, hein. Attends. C'est quel micro je regarde? Voilà, c'est celui-là. Le bleu, le plus grand avec les lunettes. Voilà, le patron de Fred. Salut. Merci d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir. La suite pour toi alors? Le boulot et puis Missing toujours. Ouais. On va essayer de mieux travailler à distance pour s'enregistrer davantage et faire des petites productions de meilleure qualité. Pourquoi pas un album si on arrive à tous focus sur cet objectif-là, puis surtout pour nous c'est live quoi. Même si pour l'instant c'est pas prévu, notre objectif à tous c'est de refaire de la scène. Comme beaucoup. Mais en tout cas on vous souhaite bonne scène et puis on espère qu'on sera les premiers à venir vous interviewer dans les loges hein, à la radio. Hein, avec grand plaisir. Moi je me déplace, hein, je vais partout. Hein, vous me dites où vous allez, y a pas de problème. Qui va rajouter un dernier mot peut-être? Non, c'est bon David, ta femme non, ça va? Peut-être Nespire ça va aussi. Ça demain. Bip, c'est bon. Bah merci à vous, Missing en tout cas. Super, merci à vous d'avoir accueilli. Vous venez quand vous voulez, on va se boire un petit café en attendant. L'arrivée de Momo qui est dans les studios. Alors lui il a servi des repas pendant Noël, plus de 200 repas je crois, un truc comme ça, c'est énorme, on peut même l'applaudir je crois en direct hein. Il a le cœur sur la main ce mec, il est dans les studios, il arrive, c'est notre invité dans moins de 5 minutes. Je voulais juste faire un petit hommage, je sais pas si vous êtes fan de George Michael qui nous a quitté un jour de Noël je crois, il y a quelques années, c'est 4-5 ans je crois à peu près hein. Non, ouais à peu près, c'était un 25 décembre, il est parti George, ouais il est mort le pauvre. Bon bah salut à Fredouille. Tu peux. Salut. Ciao. George Michael et puis on va accueillir Momo dans les studios. suavemente. Moi je fais que des conneries, hein, c'est pas grave. Hein. On est en direct, c'est pour ça, j'étais en train de regarder les boutons. Je vais... En fait, je voulais. Eh, Momo qui est dans nos studios, je vais... tu rigoles, mais je vais dire pourquoi. Parce que je voulais désinfecter le bouton avec le gel là, et puis j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Mais bon, ça arrive, hein. Malheureusement, c'est les aléas du direct, et il a, on l'accueille. Radio Arc-en-Ciel. Joyeux Noël. L'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, après Missing. Missing, ils ont mis le feu, hein. T'as écouté, Mohamed? Super groupe. Eh, t'as vu en live, hein, ils ont assuré les mecs, hein, franchement, bravo, hein. On a rien, rien prévu, hein. J'ai rien prévu du tout, hein. J'ai branché les micros, ils ont branché leur guitare, ils ont fait ça, et puis voilà, le live, ça a donné ça. C'est les meilleurs moments. Mohamed Ouattman, merci d'être notre invité aujourd'hui. Alors, c'est la deuxième fois que tu viens à la radio. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien faire venir les gens qui font parler, qui font bouger les choses et qui font des choses concrètes. Voilà, on fait venir bon, des musicaux, ça c'est normal, mais des mecs comme toi, bah il faut les faire venir. Et puis je dirais, y a pas assez de radio, de médias peut-être qui font venir. Je sais pas, je me trompe peut-être. Non. Ouais, toujours pas assez, hein, c'est sûr. Ouais, mais non, mais pour être contacté quand tu vois ce que tu fais, on va expliquer un petit peu. Hein, alors, avec le poulet braisé, tu as distribué, c'était pour Noël. Combien de repas t'as distribué? Alors voilà, donc c'était. Ouais, t'es honnête. Hein, ouais, c'était vas-y. Vendredi, donc on a. Vendredi. On a distribué 300 repas. Oh la vache. Donc poulet, haricots verts, pommes de terre grenaille, avec un dessert, avec un fruit. Et cette année, on a rajouté donc un petit plus. On a mis à jouer. Ah ouais. Voilà, donc à tous ces enfants. Donc on a compté une centaine de bénéficiaires. Et voilà, les voir sans jouer, les voir sans manger mal, donc on est touché par ce... T'es touché, toi, quand les gens ils viennent te voir et qu'ils prennent leur plat, leur pâte au repas, et puis le petit jouet qui va avec, ça te touche, ça fait quoi? Bah, bien sûr, c'est très touchant. Sinon, on le ferait pas, d'abord. Bien sûr. On le ferait pas, parce que c'est difficile, donc surtout en cette période de confinement. Donc, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Et du coup, donc, voilà, donc on se doit... Et on doit être aider. Présent, on doit aider pour essayer de réduire un petit peu cette misère. Après, je dirais, si je me trompe, c'est peut-être une goutte d'eau, hein, entre guillemets, parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Moi, l'autre jour, j'étais chez ta pote Sonia, qui fait aussi pas mal de choses. Et je sors de chez Sonia, j'ai bu un café, j'ai payé, hein, je suis solidaire, hein, j'ai payé mon café, mon lait, etc. J'ai tout donné à Sonia. Et puis je sors de là et je tombe sur deux gars dans la rue, par terre, enfin dans un coin avec des couvertures. Il faisait froid et tout. Ah, j'avais des boules. Il me restait 4 balles sur moi. Je suis pas un menteur, hein. J'avais 4 balles. J'aurais donné 4 balles. Bon, j'ai dit, les gars, achetez un truc à manger, à boire, chaud, je sais pas. Je voulais leur payer un café, ils voulaient pas. Bon, bah, tant pis. Mais il y en a de plus en plus, tu penses, Momo? Ah, de plus en plus, Francky. C'est horrible. T'es quoi, on travaille avec différentes associations qui bossent sur le terrain. Et les retours qu'on a, c'est juste horrible. Là, si on va à Place d'Arc, en dessous de Place d'Arc à la gare, on a des gens qui dorment dehors, ouais. Au Mar 3. On est à Orléans, donc il y a quelques années, on le voyait pas. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus. C'est de plus en plus. Et comme dit, excuse-moi de te couper, Momo, Yves Baudard, tu connais Yves Baudard? Tout à fait. Il m'a dit, c'est de plus en plus jeune. Lui, il était dehors, il a fait une maraude le 25. Ouais. C'est une catastrophe, hein. C'est catastrophique. Ouais. Et on voit des enfants en bas âge, donc dans les bras de ces démunis. Oh là là. Donc on peut pas rester. Donc quand on est humain, on peut pas rester les yeux. Toi, ça te laisse pas différent. Enfin, il faut que je bouge. Ouais. Il faut que je crée des choses. Il faut que j'innove. Ouais. Comment trouver une solution pour essayer de réduire, comme tu dis, c'est qu'une goutte d'eau. Ouais. Mais si chacun d'entre nous donc faisait un petit geste, et ben franchement, on réduirait un petit peu donc l'impact un petit peu donc sur l'ensemble. Ouais. Et ça, j'en suis persuadé. Et dis-moi, 300 repas, c'était combien à préparer ça? Parce que 300 repas, tu es tout seul, c'est... Waouh. Ah ouais, c'est heureusement. Plus, c'est des produits frais à peu près, hein, ouais. Tout, hein, quasiment. Tout à fait, ouais, que des produits frais, c'est que des dons, hein. C'est que des dons et des produits frais. Ouais. Et ça, d'abord, je tiens à remercier un petit peu tous les primeurs, toutes les boucheries qui nous ont fait un coup de main, qui ont donné un petit peu donc ces denrées alimentaires. Et surtout, remercier cette équipe de bénévoles, donc super génial. Donc on a une trentaine de bénévoles. Ouais, qui se donnent à cœur joie, avec plaisir en plus, donc vraiment avec le grand plaisir. Ouais. Et ils sont là, donc ils confectionnent depuis jeudi, donc toute la journée le jeudi, ils ont préparé, le vendredi matin, donc à 5h du matin, pour que les plats soient prêts à midi, à être livrés à tous les bénéficiaires. Ouais, ça va pas être facile. Comment les gens viennent chez toi? Ils viennent par rapport à quoi? Comment ils le savent? Parce que 300 repas, ça fait du monde. Tu te déplaces, ils viennent, ça, les gens qui se passent le mot, disent, bah, va là-haut, est-ce qu'ils ont pas, certains, entre guillemets, honte, peut-être, il y en a qui ont pas honte, bon, ils s'en foutent, peut-être, il y en a pas qui ont honte, des fois, malheureusement. Alors, nous, on a différents bénéficiaires, donc, il y a ceux qui viennent chercher, donc, directement sur place, que maintenant, on commence à connaître. Il y a ceux qu'on livre, donc, on a quelques personnes, donc du réseau. Personnes âgées peut-être, non? Tout à fait. Il y a des gens qui un petit peu autour de nous qui sont à la maison et qui peuvent pas bouger. Donc nous, on va les livrer à la maison. Et puis surtout, donc on travaille avec différents partenaires. Ouais. Le Secours Populaire. Ah ouais. Les Restos du Cœur. D'ailleurs, je vais leur emmener des jouets, là. J'ai récolté des jouets. Il faut que je passe en début d'année, mon gars. Voilà. Le Relais Orléanais. Mmh. On a un foyer, donc, sur Saint-Jean-de-Bray, le foyer des migrants. Donc, c'est pareil. Donc, il y a un énorme besoin. Donc, il y a 80 familles qui vivent avec leurs enfants dedans. Et je peux te le garantir. Bah, je sais pas si t'as vu France 3. Il y a eu un petit passage sur Internet. Ouais. Voilà. Mmh. Et c'est très, très touchant d'aller livrer là-haut parce que, franchement, le besoin, il est énorme. Mmh. Il est juste énorme. Et voilà. Donc, comme ça, on a déjà nos partenaires. Mmh. C'est plus facile à distribuer. On sait que c'est des gens qui sont dans le besoin en plus. Mmh. Donc, pour nous, c'est plus facile, on a juste à livrer et puis voilà quoi. Ce qui doit être touchant aussi, c'est les personnes âgées qui sont seules chez eux, et qui attendent ce repas et puis un sourire. Tout à fait. Ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien au cœur aussi peut-être. Tout à fait. Il y a de plus en plus. Hein. Ouais, des fois, ces personnes âgées sont seules et des fois, moi j'en connais donc dans mon entourage, des fois ils me commandent juste pour prendre quelques minutes pour discuter. Ouais, discuter, ça va, fait beau, t'as vu, tu fais quoi à Noël toi, et moi je prends le temps, je reste avec eux 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Eh ben c'est pas grave, je discute, je partage un bon petit moment, un petit coup de joie là-dedans, et ils sont super contents et ça j'ai envie de d'y travailler parce que j'y pense. Là c'est le Food Friday, mais demain faut que je pense à autre chose, à ces personnes âgées qui sont seules à la maison, donc il faut réfléchir à quelques idées pour essayer de les toucher, pour essayer qu'ils soient moins seuls, moins isolés, donc il faut trouver des idées, des solutions, et c'est ce que je commence à travailler avec mes bénévoles donc pour essayer d'un petit peu d'attaquer ce côté-là. Qu'est-ce qui te donne cette force d'avancer quand même? Parce que aujourd'hui, il faut quand même en vouloir, entre guillemets. Alors, la conjoncture, déjà, elle n'est pas facile. Le Covid est venu s'alourdir à tout ça. C'est quoi cette motivation de persévérer, d'aller de l'avant, d'aider les gens? Tu fais penser un peu à un mec des années 80, Coluche, là, dans 86, quand il a créé les Restos du Cœur. Ouais, ça me fait penser un peu à Colucci. Oui, c'est ces gens-là, moi, j'y pense tous les jours. Moi, je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien. Cette phrase, elle est réelle. C'est exactement ça. Et c'est dans les tripes. Après, je peux pas le décrire comme ça. C'est les tripes. C'est comme ça. C'est naturel, quoi. C'est naturel. Tu t'étais pas dit, non, je me lève, tiens, je vais filer des repas. Non, c'est dedans. Il faut que j'y pense tout le temps. Donc, tu vois, quand j'ai ouvert mon restaurant, donc, la première chose que j'ai faite, c'est... je vais faire la pub, je m'en fous. C'est le poulet braisé à Saint-Jean-de-Bray. Hein. Voilà. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je le dis, je m'en fous. Parce que là, non, mais des mecs comme toi qui ont donné 300 repas à l'œil, attends, ça mérite, faut arrêter les conneries. Donc, bientôt l'anniversaire du poulet braisé, 3 ans. Ouais. Et juste après l'ouverture du restaurant, j'ai mis en place le frigo solidaire. Ouais. Donc ça, c'est, tu vois, donc, c'est dans les gènes. Après, c'est vrai que j'ai passé ma carrière dans le social. J'ai fait 25 ans, donc, tant directeur d'un centre social. Donc, du coup, on a été confronté, donc, à ces personnes-là, donc, régulièrement. Et puis aussi, donc, je viens d'un pays aussi qui est, ou une ville, c'est un petit village, donc, au Maroc. Tu viens du Maroc, Du Maroc, donc, on sent aussi que c'est pas facile. Donc, on peut pas partir en vacances et fermer les yeux. Quand j'arrive là-bas, je suis obligé d'aider. T'es pareil, là-haut, au Maroc, tu files aussi des trucs? Bah, bien sûr. Ah ouais, c'est carrément. Ça a commencé par là. Ah, la vache. Et mes parents le font, donc, aussi. Mm. Et quand on arrive au Maroc, bah oui, t'arrives avec ta voiture. J'y étais, moi, j'ai vu, 4-5 sur une mobilette. Non, y a pas, tout à fait. J'ai vu un peu la misère. Alors là, oui, il y a deux côtés, excuse-moi de te dire ça. Il y a le côté claquant avec les grosses bagnoles, j'ai vu ça. Et puis l'autre côté, à gauche, là, la misère. Ouais, tout à fait, il y a le côté un petit peu, donc, le bas monde. Donc, lui, il a besoin d'un coup de main. Donc, nous, quand on part là-bas, c'est pas que des vacances. On prend le temps d'aller voir un peu la famille, on prend le temps d'aller voir les gens, les aider, un petit billet par là, un petit jouet par là. Une petite distribution alimentaire par-ci. Et puis voilà, depuis qu'on est petit, en gros, mes parents, ils nous ont baigné un peu là-dedans. Et du coup, je pense que c'est de là que aussi il y a les restes. Les restes, justement, ce qui est drôle, c'est que quand tu vas au Maroc, c'est comme ça, tu reviens en France, c'est autrement. Et ça en fait du boulot dans ta tête. Tout va bien. Je dis pas que t'es fou, Bobo Wadla. Mais est-ce que t'arrives à avoir une vie de famille avec tout ça, à gérer, à te canaliser? Parce que ça peut être facile quand tu rentres le soir à la baraque. C'est vrai que mon cerveau, il est constamment, donc on veille. À côté on fait du business, donc il faut faire tourner un restaurant. Et de l'autre côté, donc il y a une vie de famille donc à avoir, donc ça c'est quelque chose. Mmh. Mais voilà, j'arrive un petit peu donc à pallier les deux. Je prends le temps de voir la famille, de prendre soin des enfants, sortir ensemble. Mais voilà, cet objectif donc d'aider les autres, ça m'obsède. Ça m'obsède. Donc tout le temps à réfléchir. Donc là, la dernière fois, on était en train de réfléchir avec les bénévoles. Ce qui serait bien, c'est de sortir un petit peu ces gamins quand le confinement sera fini, enfin, entre guillemets, sera terminé. Que ça va se barrer vite fait, on croise les doigts. Ouais. Donc louer un car amener 50 gamins donc aux eaux de Beauval. Ouais, voilà, ça serait bien ça. Tout à fait. Donc voilà. Bah, on lance un appel là, comme on est sur un radio où il y a pas mal d'entrepreneurs. Tiens, s'il y en a un qui veut financer ou aider à financer cette sortie, pourquoi pas. Hein, les contactez-nous. Hein, mettez un peu d'argent. Ouais. Ah, c'est rien. Si vous mettez 10 entrepreneurs, vous mettez un petit billet, on peut y arriver à les emmener aux eaux de Beauval. Tout à fait. Et là, on peut créer des sourires qui sont gigantesques. C'est voilà, c'est l'objectif tout le temps. Quand je fais une action, je pense déjà à la prochaine. Ouais. Et ça, c'est comme ça. Comme on dit chez nous, tu sais, plus on donne, plus on reçoit. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que mon restaurant, il marche même mieux. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un au-dessus qui t'aide? J'ai l'impression parce que tu vois, c'est parce que plus j'aide, plus je suis disponible à aider les gens, plus mon commerce est fructifié. Donc pour moi, c'est plaisant. Donc ça sent mon courage. Tu parles d'aide, on vous aide sur Orléans et le Conseil général, je sais pas, la ville, la métropole, enfin je sais pas, je donne des noms comme ça au hasard, hein, pas qui, mais est-ce que on tire un petit coup de main financièrement ou alors avec un local, je sais pas, du matériel, je sais pas. Alors moi, je suis pas au courant du dossier. Ouais, hein. J'ai aucune aide. J'appelle pas Serge Noir tout de suite. Hein. Faut pas l'appeler maintenant, il doit dormir là. Non. J'ai aucune aide. Je balance un peu des petits pics, bon, comme ça des fois. Non, par contre, je salue Pascal Télibibel, hein. Il est super bien. Pascal, c'est quelqu'un de bien. Super mec, hein. Il est tout le temps en train de me dormir le moral. Il est mieux à la radio là. Ouais. Super mec, hein, Pascal. Ah, c'est vrai, Pascal Télibibel. Je vais le convoquer bientôt là, d'ailleurs. Il est excellent. Ah, c'est un super mec. Et en plus, c'est un homme disponible. Donc et puis il écoute tout. Il a envie de trouver des solutions. Donc, alors, pas d'aide. Rien. Actuellement, donc, après, c'est peut-être voulu aussi. Donc, actuellement, on est libre. On fonctionne comme on en vit. Je sais que beaucoup de commerçants nous soutiennent. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Il y a Sonia, donc voilà. Salut ma Sonia, elle nous écoute le bidule. Le bidule. Elle se bouge aussi, elle. On lui passe le bonjour, c'est quelqu'un qui a mis en place. Tu vas payer ton café demain, Sonia. Tout à fait. Donc Sonia, donc en plus, c'était, j'ai créé un petit partenariat avec Sonia. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc voilà, donc je vends aussi du poulet braisé frites dans son restaurant. Donc, on a fait. C'est pas facile. Sonia, c'est pas, voilà. On s'aide, c'est aussi le moment de s'aider. Aider les autres. Aider les autres, puis d'abord nous aider aussi entre nous, puis aider les autres. C'est un peu le principe de la maison. La suite, Momo. Alors là, il y a eu les 300 repas distribués. Pour Noël, il y aura forcément tout de suite parce que tu vas pas tarder comme ça, tu vas pas faire le mec genre je fais ça pour mon coup de pub. Il y en a qui pourraient faire ça pour ça. Hein. Non, nous c'est des. Toi tu t'en fous, toi c'est du long terme. Ouais. C'est sur du long terme. Premièrement, j'ai déjà un frigo solidaire devant mon restaurant qui fonctionne tous les jours aux heures d'ouverture. Ouais. Le principe il est simple, je dépose des denrées alimentaires et les nécessiteux, ils se servent gratuitement. Ça c'est déjà. Ils ouvrent le frigo, ils servent. Ils se servent. Ouais, c'est bien ça. Ça c'est déjà, donc c'est tous les jours. Ensuite, le Food Friday, c'est tous les derniers vendredis de chaque mois. D'accord. Donc là, le dernier vendredi de janvier, donc il y aura le prochain Food Friday. Donc là, c'est pareil. Donc on va distribuer, je pense, entre 200 et 300 repas pour l'occasion. Et on partira comme ça. Tant que le restaurant il est ouvert, ça sera. Donc on continuera ce Food Friday. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, donc on pense déjà peut-être à louer un car pour le printemps, cet été, peut-être si le confinement donc si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Pour envoyer une cinquantaine de gamins aux eaux de Beauval. Ça, c'est quelque chose qui, voilà, on a envie de le concrétiser. Mmh. Et puis, les idées de chacun dans les bénévoles, hein, et la bienvenue pour voir la suite un petit peu du projet. Parce qu'on se monte en association. Une association, ça y est, voilà. Ça va être créé. Hein. Ah, c'est bon. Donc là, l'asso, elle est créée. Donc les statuts sont faits. Mmh. Donc il n'y a plus qu'à les déposer. Donc, c'est toi le président? Ouais, tout à fait. Okay. Donc, okay, président. Comme ça, je pourrais t'appeler président après. Donc voilà, l'association, donc ça s'appelle le Food Friday. Donc on a gardé le nom Food Friday. Mmh. Et puis donc voilà, maintenant on pourra aussi donc obtenir des subventions si on le souhaite, dons si on le souhaite, et puis surtout donc voilà, officialiser un petit peu donc. Officialiser parce que quand c'est pas officiel, il y a des dons que tu peux pas avoir, que tu peux pas avoir. Alors que quand t'es monté en assoce, des statuts etc. réglementés, ça change un peu la donne, si c'est pas à grand niveau, mais bon, ça peut aider. Hein, Tout à fait. Et surtout, je remercie un petit peu tous les, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans ce groupe, qui donnent de leur temps, de l'argent, et ça, c'est sans eux, on n'est rien. Donc, et puis, comme j'ai toujours dit un petit peu à mes bénévoles, c'est plus qu'une famille aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment une famille, quoi. Ouais, une grande famille. Ouais. Et puis, quand on vient bosser dans le bénévolat avec nous, on le sent pas parce que ça rigole, ça plaisante, il y a une joie de vivre qui met pas de jour en jour. Ouais. Et puis cet élan de solidarité. Donc, ce qui serait bien, moi, après le Covid, dès qu'on pourra, moi, je propose un jour, on prend une salle, on trouve une salle, moi j'en trouverai une salle des fêtes, une grande salle des fêtes. Ouais. Et avec tous les bénévoles, on fait une grosse soirée ensemble. Hein, bah, moi, je mixe à l'œil. Hein, je viens mettre le feu, je mets tout, la chenille, tout ce que tu veux. Hein, je connais ton. Ouais, le bal masqué. Ouais, le bal masqué, tout ça. Hein. Ouais, non, mais on pourrait faire ça, tu vois. Avec grand plaisir. Quand ça sera fini, c'est une grande salle. Là, je vais tout trouver un maire, t'inquiète pas, qui va nous prêter une salle. Il y a un grand truc avec tous les bénévoles et puis tous ceux qui veulent venir. Là, ils le méritent. Et puis ils le mériteront. Puis on fait une petite entrée, comme ça, on donnera encore pour acheter d'autres repas, pour faire d'autres choses. Ouais, ouais, tu vois, j'ai des idées qui fusent là. Bon, ben. Là, j'en connais ton énergie. Ouais, alors, ouais, mon énergie, on essaye de la garder. Bah, écoute, Momo, on te souhaite plein de bonheur pour la suite. Donc, prochain rencard, c'est vendredi à la fin de janvier. Voilà, le dernier vendredi de janvier. Donc, pareil pour 200-300 repas. Donc, justement, on se voit avec les bénévoles la semaine prochaine. Mmh. Un petit bilan donc du dernier. Et puis, déjà, commence à construire le prochain. Le thème du plat, parce que chaque. Ah, il y a un thème. Ce sera quoi le fin janvier là? Eh ben, je sais pas justement. Donc la semaine prochaine, on se réunit et on va déterminer donc le plat donc en question. Bah, j'aimerais voir sur place ce qui se passe, faire des troissons. Hein. Avec grand plaisir. Et ben, voilà. Ok. Tu es la bienvenue. Un dernier mot. Joyeux Noël déjà. Excuse-moi, je me suis mal poli. Je vais pas dire un joyeux Noël. Alors joyeux Noël à toi et surtout donc bonne fête de fin d'année pour un peu tout le monde. Donc les bénéficiaires, les nécessiteux et tous les bénévoles qui se donnent un petit peu dans les rues. Pour aider les autres. Voilà. Ça c'est le mot d'ordre. Merci à vous tous. Voilà, Mohamed qui était notre invité, je vous rappelle, il a distribué avec tous les bénévoles 300 repas pour Noël. C'est énorme, c'est vraiment c'est un coluche. Hein. Merci à toi d'être venu. Merci Francky. Bonne soirée. Bonne soirée à vous et puis au plaisir. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux à la radio. Merci. George Michael pour les souvenirs. George Michael qui nous a quitté un jour de Noël. Ouais, ouais. Big up à toi. Face Love sur la console, le meilleur des souvenirs. Et oui, forcément, avec la console et puis un titre que j'affectionne. Elle avait dit, écrit ce titre en 1986 pour Daniel Balavoine qui nous avait quitté sur le Paris-Dakar. Si évidemment, c'est France Gall. Y'a comme un goût amer. Comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Ces questions qui ne tiennent pas debout, évidemment. C'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure. Change rien qui change tout, évidemment. Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. 7h51, la météo pour demain, malheureusement, bah, la pluie sera là. Justement, je voulais vous en parler pour demain. Vous foutez le bord à zéro. La météo. Eh ouais, malheureusement, la pluie est de retour demain matin avec pas d'amélioration. Les températures 2 degrés au lieu du jour et on ne dépassera pas les 6 petits degrés. Donc demain, le caouet est de rigueur, les enfants. Eh ouais. L'After Job avec Francky. Oui. Le lundi. Oui. 16h à 18h. Oui. Sur Radio. Joyeux Noël, la famille, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Vous souhaite un bon Noël avec les souvenirs. Souvenirs, je vous retrouve demain à 17h, 19h, et puis passez une bonne soirée, puis encore un excellent Noël, toute l'équipe de la radio vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, et puis avec un petit peu d'avance, une très bonne année 2021, en espérant qu'elle soit le meilleur 2020, il n'y aura pas pire en tous les cas. Rendez-vous avec RDP International, je vous laisse avec le Portugal, et moi rendez-vous demain 17h, salut les zinzins, salut la famille, merci à tous, et puis prenez soin de vous, hein, prenez soin des proches, des petites aussi, ouais, salut la famille, et à demain 17h, RDP International.